La délégation de l'Union des étudiants coréens aux écoles japonaises, conduite par Kim Hyun-il, président du présidium du comité central de l'Union, arrivée le 19 à Pyongyang par vol, a déposé un bouquet de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il sur la colline Mansu, avant de leur rendre hommage.